putain, ça va aller, merde! Dégagez, putain, lâchez-moi, bande de cons de merde! Ah, y'a des gros corrompus qui s'amusent à m'imiter et qui croient qu'il suffit de dire pédé pour être un pédé! Pour être un pédé, pour être un pédé, mon petit, il faut se faire enculer! Oui, enculer! Enculer! Enculer! Et voilà que c'est qu'on me croit et qu'ils se font enculer! Enculer! Enculer! Comme ça, qui pourront me concurrencer, les niais. Ah, c'est bon, bande de niais. Ah, c'est bon, Jean-Louis, c'est bon. Vas-y. Comme si c'était spécial de se faire enculer. C'est pas spécial. Rien de plus banal. Y'a des millions de PD qui se font enculer à longueur de journée. Alors, quoi alors? J'aime alors ça. Quoi, petit con, laisse tomber, merde. J'aime ça, quoi. Je sais pas, moi j'aime bien faire enculer. J'aime bien ça, Jean-Louis. Recommence, s'il te plaît. S'il te plaît, Jean-Louis. C'est pas de dire pédé, c'est pas de te faire enculer qui te fera devenir costesse. C'est quoi alors? C'est pas non plus de cracher dans ton Walkman. C'est pas non plus de faire des cassettes minables qui te fera devenir costesse, costesse. Costesse. Il suffit pas de dire pédé, il suffit pas de cracher. Faut avoir le truc spécial que j'ai. Depuis que je suis né, j'ai peur. J'ai peur de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes sœurs, j'ai très très peur. Et j'ai peur des gens, des voisins, des queues, des vagins. Très très peur. J'ai peur de tout, j'ai même peur de moi. Je vois le péché partout. Et je me sais différent. Et pourtant je voudrais être comme vous. Je voudrais être comme les autres. Et j'ai tout essayé pour vous ressembler. Mais je n'ai pas réussi à y arriver. Et vous vous êtes moqué de moi à l'école. Vous vous êtes foutu de ma gueule. Vous m'avez foutu au bord de derrière. Le bord des niais, le bord des cons, le bord du mec pas cool. Et je suis resté là et j'ai pleuré dans ma chambre. Et je n'arrivais pas à bander quand les filles voulaient que je les baisse. Mais ça n'arrivait carrément jamais. Car elles ne me trouvaient pas assez cool. Et j'avais toujours peur, peur, peur, très peur. De mon père, de ma mère, de mes frères, de mon père, des gens. Peur de moi. Et dégoûté, je voyais le péché partout. Alors vous, vous pas du tout. Vous êtes des mecs cool qui feront écouter Costes sur leur Walkman au nana à la sortie du lycée. Et moi, j'étais le mec qui vous détestait en silence et qui rentrait chez lui sur sa bicyclette alors que vous aviez une mobilette.